last Sunday, when I was having breakfast, a lady at the Buddha's time paid visit to me. Dimanche dernier, au petit déjeuner, subitement, je me suis souvenu de Visakha. Visakha était une laïque, une des disciples les plus en vue du Bouddha. Elle était très connue pour tous les services qu'elle rendait au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. À l'âge de 7 ans, cette femme avait réalisé le fruit du Sotapanna en écoutant l'enseignement du Bouddha. Et depuis, elle était très dévouée au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Elle offrait de la nourriture chaque jour à la Sangha. À Savatthi, il y avait deux personnes laïques qui étaient très connues comme étant de grands disciples du Bouddha. La première de ces personnes, c'était Anatta Pindika, une personne très riche de Savatthi. Et la deuxième, c'était donc Visakha. Ces deux personnes avaient offert chacun un monastère au Bouddha. Anatta Pindika avait offert le monastère de Jetavana. Quant à Visakha, elle avait offert le monastère de Pobarama. Ce monastère s'appelait Pobarama parce qu'en fait, il était dirigé dans les 6 directions. Dimanche dernier, donc, au petit déjeuner, je me suis souvenu de Visakha. Tout simplement parce que le petit déjeuner ce jour-là était tout particulièrement bon. Il y avait toutes sortes de pains, du pain français, des croissants, des coucs au chocolat, des bananes, des pruneaux, etc. Et je me suis donc souvenue de Visakha. Pourquoi Visakha me rendit-elle visite dimanche passé? Il y a beaucoup d'histoires à son sujet. L'une de ces histoires, c'est qu'un jour, elle voulut inviter le Bouddha et ses disciples pour leur offrir le repas du midi de 11h. Lorsque le repas fut prêt, elle demanda à sa servante d'aller de se rendre chez le Bouddha pour lui annoncer que la nourriture était prête. Ce jour-là, il pleuvait. Les moines étaient dans la pluie et en fait se lavaient dans la pluie. La servante vit les moines tout nus, occupée à prendre leur bain sous la pluie. Elle pensa alors que ce n'étaient pas des moines, des disciples du Bouddha, mais plutôt des ermites, des ascètes. Pourtant, c'étaient bien les moines, les disciples du Bouddha. Le Bouddha leur avait demandé de prendre leur bain dans la pluie, car c'était une pluie extraordinaire qui était très rare et qu'on appelle Pokalawasa. La servante retourna à la maison et expliqua à Visakha qu'elle n'avait pas vu les moines, mais qu'elle avait vu des ascètes qui prenaient leur bain tout nu dans la pluie. Visakha était sage, c'était en fait un sotapanna. Elle ne crut pas aveuglément la servante et la renvoya donc, sans faire de commentaires, pour voir le Bouddha et la Sangha et leur annoncer que le repas était prêt. Lorsque la servante arriva au monastère, elle ne vit plus de moines. Ils étaient en fait dans un rang silencieux, attendant de partir. La servante retourna chez Visakha et lui dit qu'elle n'avait pas vu de moines au monastère. De nouveau, Visakha la renvoya pour lui demander d'inviter le Bouddha et la Sangha pour le repas. La servante se rendit donc de nouveau chez le Bouddha et la Sangha. Elle les vit en rang sur le point de partir et les invita à venir prendre le repas. Après le repas, Visakha demanda au Bouddha la permission de lui offrir des robes. Il s'agissait de robes des pluies, ce sont des robes particulières qui permettent aux moines de se changer après le bain. Au début du temps du Bouddha, les gens ne savaient pas comment offrir ni les robes, ni les monastères, ni la nourriture, ni les médicaments aux moines. Il était donc très difficile pour les moines de subsister. Ils devaient se chercher eux-mêmes une robe en cousant ensemble des morceaux de tissu que les laïcs avaient jetés. Lorsque donc Visakha demanda au Bouddha la permission de lui offrir les robes de pluie, le Bouddha lui demanda quel en était selon elle le bénéfice. Visakha lui répondit que si elle offrait une robe à un moine qui atteindrait l'illumination, elle serait heureuse de l'avoir fait, et que c'est pour cette raison qu'elle lui demandait la permission de lui offrir les robes de pluie. Le Bouddha exprima son approbation en disant sadhu trois fois. Visakha et les dévots redemandèrent donc au Bouddha la permission de lui offrir des robes. Les moines, en fait, ne sont pas autorisés à demander quoi que ce soit. Mais depuis cette époque, lorsqu'ils sont invités chez des laïcs, ils peuvent accepter les cadeaux qu'on leur fait. Ici, les yogis pratiquent la méditation et en même temps, ils offrent avec beaucoup de sadhana, de dévotion, de la nourriture à la sangha et aux yogis. Si vous savez que vous offrez de la nourriture à une personne qui pratique de façon diligente dans le but de se débarrasser des impuretés, vous serez heureux, car qui sait, cette personne va peut-être atteindre l'illumination, elle va peut-être réussir à voir la réalité telle qu'elle est, et tout cela va vous rendre heureux. Exactement comme Visakha, qui se sentait heureuse à l'idée que les moines à qui elle offrait les robes peut-être atteindre l'illumination. Vous vous direz, par exemple, vous vous souviendrez que vous avez offert de la nourriture et des boissons aux méditants, et cela va vous rendre heureux. C'est pour toutes ces raisons que dimanche passé, au petit déjeuner, j'ai pensé à Visakha. Je vous explique tout ceci en guise de préliminaire à mon enseignement qui portera sur le bonheur du Dhamma. Samedi dernier, je vous ai donc parlé de la question que le roi des Devas avait posée au Bouddha. De tous les bonheurs, quel est le meilleur, avait-il demandé. Et la réponse du Bouddha fut: le bonheur du Dhamma surpasse tous les bonheurs. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment le bonheur du Dhamma surpasse tous les bonheurs, et je vais essayer de le faire sur base de votre propre expérience. Mais vous devez avant tout comprendre que le bonheur dont il s'agit, le bonheur suprême, c'est l'état d'arhat. Vous pouvez cependant déjà expérimenter le bonheur au cours de la pratique. Au début, il était très difficile pour les méditants de maintenir leur esprit sur l'objet. Il était très difficile également de noter les autres objets comme les pensées, les sensations, les visions, les sons, etc. Mais petit à petit, à force de pratiquer, à force de fournir l'effort physique et mental nécessaire, de suivre les instructions, de noter du matin au soir pendant toute la journée, ils ont progressé. Ils sont petit à petit devenus capables de rester assis une heure sans bouger. Ils ont commencé à noter plus facilement. La patience s'est développée. Ils ont pu mieux gérer les sensations douloureuses. Au cours de la pratique en marche, alors qu'au début ils étaient frustrés, leur attention s'est progressivement développée et ils sont devenus capables de noter attentivement les phases du pas. Dans les activités quotidiennes également, ils ont commencé à être conscients et à noter beaucoup plus de choses. Petit à petit, le méditant a réussi à surmonter les empêchements. Comment a-t-il fait? Dès que l'empêchement s'est manifesté dans son esprit, il l'a noté. Il a noté pensée, pensée, somnolence, somnolence, colère, colère, etc. De cette façon, il a réussi à les surmonter. L'esprit qui note est devenu de plus en plus clair. Et le méditant était conscient des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Au moment où il notait soulèvement, il était capable d'expérimenter un mouvement vers le haut. Lorsqu'il notait abaissement, il était capable de ressentir un mouvement vers le bas. Il pouvait noter très attentivement les deux mouvements, soulèvement et abaissement, et en même temps expérimenter clairement le mouvement vers le haut et le mouvement vers le bas. Il a également réussi à observer très attentivement le mouvement du corps au moment où il avait décidé de changer de posture. Il est possible qu'à certains moments, le méditant ne réussissait pas à maintenir la posture immobile à cause des douleurs et qu'il a été amené à devoir changer de posture. Il était capable de le faire en notant attentivement « changer, changer » et en ressentant, en expérimentant le mouvement. Pendant la marche également, au moment où il notait pas gauche, pas droit, il réussissait à expérimenter le mouvement. Vous avez donc déjà médité pendant 2 semaines. Vous faites des rapports très clairs, très détaillés. Vous êtes capable de rester immobile sans bouger. Pendant la marche également, lorsque je vous observe, je peux constater que vous pratiquez de façon très attentive et que votre comportement est très doux. Tout ceci prouve que vous pratiquez de façon très diligente. Si c'est le cas, et que les méditants ont des expériences authentiques, ils vont les rapporter très clairement au moment de l'entretien. C'est à vous de voir si vous expérimentez clairement ou si votre expérience est confuse. Lorsqu'on vous demande, êtes-vous capable d'expérimenter clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen? Vous pourriez répondre, oui, je peux noter très clairement. Je ressens que l'abdomen se soulève et je ressens que l'abdomen s'abaisse. Mais il est possible également que vous ne répondiez pas de façon aussi claire. Et que vous disiez par exemple, oui, je pense bien que je peux ressentir l'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse. Ou bien vous direz, oui, c'est possible que je ressente l'abdomen se soulever et s'abaisser. Ce n'est pas sûr, je ne suis pas certain de mon expérience. Tout ceci prouve que vous ne voyez pas encore très clairement. C'est donc à vous de juger et de voir si votre expérience est claire ou pas. Et c'est la même chose pendant la marche. Lorsqu'on vous demande, êtes-vous capable de ressentir clairement le mouvement au moment où vous notez pas gauche et pas droit, vous pouvez répondre soit de façon très simple en disant oui, je peux noter ces mouvements, ou bien peut-être ce n'est pas sûr. Lorsque vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ou la posture assise, le toucher, ou encore au moment de la marche, le pas gauche et le pas droit, au moment précis où vous notez, vous comprenez clairement. Il n'est pas nécessaire de se dire « ceci est l'esprit, ceci est la matière ». Il suffit d'expérimenter, c'est suffisant. Au moment où vous notez pas gauche, pas droit, vous allez également ressentir le mouvement. Ceci est suffisant. Lorsque vous observez l'abdomen, vous voyez automatiquement le soulèvement et l'abaissement, le mouvement vers le haut, le mouvement vers le bas. Vous ressentez un mouvement vers le haut, un mouvement vers le bas. On peut donc dire que lorsque vous notez soulèvement, abaissement, vous voyez spontanément le mouvement vers le haut et ensuite le mouvement vers le bas. Quel que soit l'objet que vous observez, tous les contacts sensoriels qui se manifestent aussi portent des sens. Dès que vous les notez, Vous les voyez, autrement dit, vous comprenez. Lorsque vous expérimentez l'abdomen, le mouvement vers le haut de l'abdomen, au moment où vous notez soulèvement, lorsque vous expérimentez le mouvement vers le bas, lorsque vous notez abaissement, on peut dire que vous voyez correctement, clairement. Il n'y a pas de confusion dans votre esprit. Vous ne confondez pas le soulèvement avec l'abaissement. Vous avez la compréhension juste, la compréhension claire. Au moment où vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous expérimentez spontanément l'absence d'une entité permanente, l'absence d'une personne dans le mouvement de soulèvement et dans le mouvement d'abaissement. Ceci, c'est la compréhension claire, la compréhension juste. Si vous êtes capable d'expérimenter cela, vous avez dit visudhi, les vues justes. Dit-ti, c'est les vues, visudhi, c'est pur, les vues justes ou les vues pures. Parfois, on parle de samadhi, la compréhension correcte. Si donc, vous notez et que vous expérimentez le soulèvement, si vous notez et que vous expérimentez l'abaissement, vous voyez clairement, vous avez la compréhension juste. Appliquez donc la méditation vipassana en posture assise et vous notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous ne confondez pas ces objets. Il est possible également que vous observiez, que vous notiez la posture assise et le toucher. Je parle toujours des mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais il est possible que certains parmi vous notent la posture assise et le toucher. Lorsque vous notez la posture assise, vous prenez conscience du corps installé dans la posture assise, bien droit, les jambes croisées. Vous expérimentez, vous savez que votre corps est dans cette position. Lorsque vous notez toucher, vous expérimentez des sensations au niveau des fesses qui sont en contact avec le sol. Vous allez donc répéter assis, assis. Lorsque l'esprit est focalisé sur l'objet avec précision, il est possible que vous expérimentiez quelque part dans le corps de la tension, par exemple. Vous pouvez l'expérimenter n'importe où dans le corps, puisque c'est la posture assise que vous observez. Vous observez le corps tout entier. Lorsque vous répétez mentalement « toucher », vous allez expérimenter à l'endroit du contact de la douceur ou au contraire de la dureté. Parfois, ce sera de la chaleur, de la brûlure, etc. Mais il ne faut pas se contenter de dire à l'entretien « Oui, je note la posture assise et le toucher. » Il faut expliquer ce que vous avez expérimenté. Vous notez donc sans interruption les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous le faites avec beaucoup de précision en suivant les instructions. Il est possible alors que vous deveniez subitement conscient de la respiration. Ici, nous observons les mouvements de l'abdomen. Nous n'observons pas la respiration au niveau des narines. Il est impossible d'observer deux objets à la fois. Mais lorsque l'esprit est attentivement fixé sur l'objet, il est possible que spontanément, vous voyez qu'il y a une relation entre les mouvements de l'abdomen et la respiration. Et vous êtes heureux d'observer tout cela très attentivement. Parfois, vous allez ressentir un vide dans l'estomac. Vous n'avez pas de nourriture dans l'estomac et votre ventre fait du bruit. Les expériences sont différentes pour chaque méditant, mais la compréhension est la même. Lorsque donc vous n'avez pas de nourriture dans l'estomac, il est possible que votre ventre fasse du bruit. Il fait du bruit tout simplement parce qu'il n'y a pas de nourriture. Vous notez alors « entendre, entendre ». Il est possible qu'il y ait une certaine agitation qui s'installe dans votre esprit à cause de tous ces bruits. Vous notez alors « Faim, faim, vous comprenez que ces bruits sont dus à la faim. Vous comprenez que si votre ventre fait du bruit, c'est parce que vous avez faim, qu'il n'y a pas de nourriture. Vous comprenez la relation entre l'absence de nourriture, la faim et le bruit. Si vous êtes très attentif, vous pouvez donc réaliser cela, voir le lien entre la nourriture, la faim et le bruit. Mais si votre attention est faible, vous ne pourrez pas voir cela. Parfois, si vous observez attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous pouvez constater qu'à un moment, ces mouvements deviennent imperceptibles. Vous devez alors expliquer à l'entretien pourquoi vous ne ressentez plus les mouvements. Ne vous contentez pas de dire que vous ne les ressentez pas. Essayez d'expliquer pourquoi. Est-ce parce que vous n'êtes pas assez attentif? Au début, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont très grossiers et le méditant les voit clairement. L'attention va se développer et il est possible que ces mouvements deviennent très subtils, difficiles à percevoir. Le méditant ne réussit plus à les ressentir. Si c'est le cas, notez-vous encore. Non, vous ne notez plus puisque vous ne percevez pas les mouvements. La méditation vipassana, c'est noter dans le présent, noter tous les objets qui se manifestent dans le présent. Si vous ne voyez pas le mouvement de soulèvement, vous n'allez donc pas le noter. Si vous ne ressentez pas le mouvement d'abaissement, vous n'allez pas le noter. Le yogi comprend qu'il note lorsqu'il y a le mouvement de soulèvement, qu'il note abaissement lorsqu'il y a le mouvement d'abaissement. Lorsque vous voulez vous gratter, qu'allez-vous faire? Au début, il ne faut pas noter l'intention. Ce n'est pas recommandé car l'attention n'est pas assez forte. Mais après quelque temps, lorsque l'attention se sera développée, il est demandé au méditant de noter l'intention. Lorsque donc vous vous apprêtez à vous gratter, vous devez d'abord noter l'intention de se gratter. Vous comprenez que l'intention est la cause pour le mouvement du bras. Vous allez donc noter « intention de me gratter »,« intention ». Ensuite, vous notez « bouger »,« bouger ». Ensuite, si vous voulez être très précis dans votre observation, avant de vous gratter, vous allez noter « intention de me gratter ». Ensuite seulement, vous notez le mouvement qui consiste à se gratter. De nouveau, si vous voulez être très précis, avant d'abaisser le bras, vous devez noter « intention d'abaisser le bras ». Ensuite seulement, vous notez « abaisser »,« abaisser ». Vous notez donc chaque fois l'intention qui précède le mouvement. Le yogi réussit ainsi à voir la succession des intentions et la succession des mouvements. Il comprend les causes et les effets. Et il peut comprendre les causes et les effets lorsqu'il pratique la marche également, en notant chaque fois l'intention qui précède le mouvement et ensuite le mouvement. Le yogi comprend alors qu'il n'y a en lui qu'une suite de causes et d'effets. Il éradique de ce fait les doutes. Ceci est appelé Kanka Viparana Visuddhi, la victoire sur le doute. Je vous ai également parlé précédemment de Ditti Visuddhi, des vues justes. Je vous ai parlé l'autre jour des 10 actions méritoires, et notamment de la dernière, Ditti Jogama. J'ai essayé d'expliquer sur base de votre propre expérience, sur base de votre pratique, comment vous comprenez clairement. Lorsque le yogi pratique de façon diligente, que son attention est précise, il voit clairement, il voit correctement. Je viens de vous l'expliquer. Cela, c'est précisément Ditti Jogama. Ditti veut dire voir ou croire. Jogama veut dire sans confusion, clairement, l'esprit ne vacille pas. Je vous ai expliqué qu'au moment de l'entretien, si je vous demande si vous avez pu expérimenter répéter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen si vous me répondez oui avec certitude, sans hésiter. Vous pouvez vous dire que vous voyez clairement. Mais si votre réponse est évasive et que vous dites par exemple « Oui, c'est possible, peut-être », vous ne voyez pas encore clairement. Dit-il, c'est donc voir ou croire. Pourquoi croit-on? Tout simplement parce qu'on a expérimenté. Je vous ai donc expliqué comment le yogi en arrive à expérimenter par lui-même. Je vais maintenant vous expliquer Dittijukama. Quelle est la croyance des gens en général? En général, les gens pensent, et en Asie particulièrement, que c'est Brahma qui crée les êtres. Tout naît de Brahma. En Occident, on dira peut-être que c'est Dieu qui crée tout. Il y a également des gens qui sont des libres penseurs et qui pensent qu'il n'y a aucune mère, aucun père, il n'y a pas de dana, rien n'existe. Ils préconisent donc de faire tout ce que l'on veut. Précisons que ce courant de libres penseurs n'est pas nouveau, il existait déjà du temps du Bouddha. Est-ce qu'il y a un atta dans le corps et que cet atta est l'entité qui contrôle tout, qui nous ordonne d'agir? C'est une entité permanente. À la mort, c'est seulement le corps qui meurt, mais cet atta va se réincarner dans un autre corps. Ceci est appelé sasatta ditti, l'éternalisme.